rallumé mon pète dans le vent, mais il s'éteignait. Ouais, des fois ça me saoule, gros. J'ai tout essayé. Ouais, des fois ça me saoule, gros. J'ai tout essayé. Faut vivre ses rêves. Au-dessus des règles. Je suis pas mes règles. Mais je tiens les règles. Faut vivre ses rêves. Au-dessus des règles. Je suis pas mes règles. Mais je tiens les règles. Nique la tente à tous les jaloux. Quand je les croise, ils me font le single. Je viens de loin, y'a rien sans rien. Les grosses journées ensoleillées. J'ai levé le croix, j'ai soleillé. Ça m'écoute qu'en America. Tu vois le temps y passe et en direct moi je vieillis pas. Tu t'es foutu de moi, donc pour moi tu ne mérites pas. Je suis parano des fois, je peux pas t'expliquer, c'est délicat. Comment ça va? Parle-moi de toi, on s'en fout de moi. Ça m'a dit que quand nous deux on se parle pas, les autres ils s'en foutent de joie. Sans même pas tu veux que je fasse quoi? Je les gêne, ça va de soi. Je passe dans la zone quand je suis bleu le soir. Ils sont trop pressés, parfois je suis à deux doigts de tout laisser. Marque laisser des coups d'essai, marque frangin, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, marque frangin, j'ai tout essayé. Marque, j'ai tout essayé, dans ma tête embouteillée. Oh, y'a eu cassure, avec moi que des gars sûrs. Nique la mère aux gens pas sûrs, pas du rôle des poutards dans ma voiture. Et je m'alcoolise, ils m'atteignent pas, je suis trop solide. Et je temporise, j'écoute ma vie à fond dans le bolide. Je les ai effrayés. J'ai pas bégayé. Pour lever la moto, j'ai embrayé. Je reste éveillé. Tu m'as brisé le cœur, je t'ai pas fait payer. Je t'ai pas fait payer. Ça trempe, ça grimpe les murs comme des araignées. Je voulais faire conduire le sang, j'ai repris le volant et craignais. Je voulais rallumer mon pied tout dans le vent, mais il s'éteignait. Ouais, des fois ça me saoule, gros. J'ai tout essayé. Ouais, des fois ça me saoule. Crocodile sur le polo. Faut vivre.